arrête ton son putain, pourquoi tu rap en pétard? C'est embêtant et pourtant ça me rend une patte en étant donné. J'bouge à 100 à l'heure, prends des impôts dans les ordonnées. Désolé MC, l'esprit de compétition m'anime. Manière qui est mugen, c'est vrai, même démoniaque. J'ai essayé d'être sympathique, mais j'ai la méprise de la niaque. Déconseillé aux apathiques qui risquent la crise cardiaque. Les rappeurs sont strange entre eux au lieu de s'aimer en stress. Prennent pour des carrés à la camarade au petit équilibre. Des petits et zéro, ça oui de te say, mais au stress. Motherfucker, les carrés t'appelleraient Lil Zizi. C'est mugen, j'te dis au revoir. Y'en a ras le bol d'être invisible. Mes super pouvoirs me rendent invincible. Mais je touche personne, je rate toujours ma cible. Un loser qui fait du rap, j'en ai marre d'être le dindon de la farce. Donc je me barre, je te dis ciao, je ne reviendrai pas. À moi d'un miracle, le bon son qui tourne en boucle. Tu sens que ça manque, je n'arrêterai pas la musique. Je veux pas que le rap manque. Les gangsters, c'est un samouraï à trancher mes gueules. Je leur crache un mot là, rempli de la morve de mugue. Sans la musique, dis-moi, qu'est-ce que je deviens?